Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette émission figure de notre région. Alors, je vous assure, on va attaquer dans le vif, hein. Je vous assure, chères auditrices et chers auditeurs, qu'il va falloir tendre l'oreille pour suivre le parcours de notre invité aujourd'hui. Cet invité, on vous l'a annoncé sur nos ondes, c'est Jean Rébier. Merci d'être là. Et Jean Rébier, il n'a que 93 ans. Il est intarissable sur l'histoire du pays. 5 enfants, 3 garçons, 2 filles, 6 arrière-petits-enfants. Une carrière inimaginable au cœur de l'entreprise Rébier notamment. 3 mandats de maire à Saint-Germain-de-Joux. Et surtout une affaire de famille qui a su sauver l'entreprise dans les moments les plus difficiles. Mais Jean Rébier, c'est avant tout un homme de cœur. Avec Guy et moi-même, nous l'avons rencontré mardi chez lui. D'ailleurs, on a été très très bien accueillis. Et quand on a discuté avec lui, on ne l'arrêtait plus. Je me dois de vous dire, avant de passer la parole à Guy, que c'est grâce à Pierre Tolas, son ami, présent dans ce studio, que cette émission peut avoir lieu aujourd'hui. Merci à la technique Ludo derrière les manettes et pour l'accueil, le président et ami Guy Catlan. Merci Jean d'être ici. Merci Pierre. Merci Ludo. À toi Guy. Merci Robert, comme toujours. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, comme l'a dit Robert, dans cette nouvelle figure de notre région. 141e du nom quand même, hein, Robert. 141e du nom. Jean Rébier, le 9 juin prochain, vous fêterez vos 93 ans. Né le 9 juin 1926 à Saint-Germain-de-Joux, parent fromager, grand-père fondateur des fromageries Rébier, le grand-père des fromagers. C'est ainsi qu'il était surnommé à cette époque. Parents originaires de Giron, ce sont les bancs de l'école communale de Giron que vous fréquentez dès 1931. Puis, un départ à Rérieux pour rejoindre votre sœur cadette. Retour à Saint-Germain quelques années plus tard pour repartir en internat à Villefranche-sur-Saône. 1 an à Vienne, en 4e. Puis, départ à Avignon pour des études secondaires en 1940. À Marseille, vous fréquentez la faculté de droit. Alors que la guerre avec l'Allemagne battait son plein. Mais Marseille et la Canebière vous font rencontrer Mireille, que vous épouserez à votre retour du service national, après aussi d'avoir retrouvé Saint-Germain-de-Joux et la fromagerie familiale. De votre mariage avec Mireille, le 2 juin 1951, naîtront 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Grand amateur de sport, vous pratiquez le ski et la montagne le plus souvent possible. Mais depuis 1950, c'est l'entreprise familiale qui occupe la majeure partie de votre temps. Cette entreprise familiale, fondée en 1910 par votre grand-père, Joanny Rébier, à cette époque, l'entreprise employait entre 80 et une centaine de personnes. Et elle n'a jamais cessé de se développer ainsi que son activité. Fournisseur privilégié des magasins comme Monoprix, vos ateliers se font vite trop petits. L'important tonnage de votre production vous impose une rigueur que les sociétés coopératives laitières qui vous fournissaient sont sélectionnées avec la même rigueur. En 1969, c'est à Trébillet que votre nouvelle usine verra le jour. Un choix délibéré que vous avez, on va dire, presque imposé aux associés. Imposé, je dirais même, aux associés. Et ce choix a contribué à la prospérité de toute la région, a continué à alimenter toute la région, les ouvriers étant quasiment tous des gens du coin. Un important incendie a détruit vos ateliers en 1981. Plus de 300 personnes se trouvent alors sans emploi. Comment faire ? Faire face à des multiples problèmes sans pour autant perdre la clientèle. Vous réunissez le personnel, vous les informez de ce qui est possible ou pas. La réponse, elle est unanime. On retrousse les manches et on reprend notre activité. Fort de cet engagement, après la mise en place de nouveaux moyens de production, c'est la reprise, quelques mois après le sinistre, en novembre 1981. En pleine activité, ce sont 33 000 tonnes de fromage qui sont produites dans vos ateliers. En 1983, Bernard Pochet, directeur de l'entreprise, quitte la direction tricéphale. Vous êtes à 2 ans de la retraite. Comment solutionner le problème? Il ne restait qu'une solution, céder à contre-cœur l'entreprise. C'est la fin du groupe Rébier. L'entreprise est cédée à Entremont en 1983. 84. On connaît la suite. Tout de même, cette entreprise locale a fait prospérer toute une région et c'est là votre grande fierté. Ces années de labeur, vous les avez partagées aussi avec vos concitoyens. Puisque vous avez officié en tant que maire de Saint-Germain-de-Joux pendant 3 mandats. Rotarien, depuis 63 ans, et toujours la même détermination, servir. Une question se pose, Jean Ribier. Depuis, vous ne pratiquez plus votre passion, le ski et la montagne. Depuis pas très longtemps d'ailleurs. 1 an ou 2, me semble-t-il avoir entendu. Alors, une question ? Comment occupez-vous aujourd'hui vos journées? Alors là, c'est une question, mais c'est aussi en même temps, c'est une boutade. Alors je dois vous répondre. Ah bah oui. Très bien. Eh bien bonjour à tous, bonjour à Sorgia, qui m'a invité, au président bien sûr, à M. Mirola, et à mon ami Tolas qui a bien voulu m'accompagner. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire maintenant, puisque le président vient de résumer ma vie. Il a fort bien fait, à part quelques petites erreurs que je vais rectifier. Bien sûr. Hein, simplement. Bien sûr. Et vous me posez la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, je fais rien. Je suis à la retraite. Une retraite bien occupée, Jean, ben, quand quoi même. Que la retraite, pour moi... La retraite, c'est ne jamais se retirer. La retraite, c'est un changement d'activité. Et je crois qu'il faut la considérer comme telle, et que tout le monde la considère un peu comme telle. Vous n'arrêtez pas de travailler, vous changez d'activité, vous faites autre chose. Votre travail professionnel est peut-être terminé, mais après, vous avez tellement de choses, de possibilités, soit des associations, si vous avez un peu de... si vous voulez faire un minimum de charisme, soit votre famille, ce qui est le cas chez moi, puisqu'elle est importante. Petite rectification, j'ai effectivement 5 enfants, et vous aviez dit que j'avais 6 petits-enfants. J'en ai 12. Pardon. J'en ai 12. Les 6, c'est des arrière-petits-enfants. Oula. Petite rectification. Si je peux me permettre de couper la parole, Pierre Ribier. Quand on s'est retrouvé à la sortie de votre appartement le soir où nous avons eu ce rendez-vous, on s'est regardé avec Robert et on s'est dit, ben bon Dieu, ça va pas être facile. Pardon. Ça va pas être facile parce que ah ben oui. Mais alors, vous rendez pardon et j'en aurais terminé là. Vous rendez compte de la manière que vous nous avez débité votre vie? Oui. Mais il aurait fallu avoir. On aurait dû avoir un magnéto à ce moment-là et puis tout enregistrer. Parce que, effectivement, une erreur peut facilement s'incruster dans tout cela. Non, mais effectivement, honnêtement, je suis surpris de la façon dont vous avez pu résumer tout ça. Jamais j'aurais pensé que vous auriez pu le faire. Et bien fait, que vous annonciez simplement 6 petits-enfants au lieu de 12. C'est un détail, c'est normal. Mais non, effectivement, vous avez très bien résumé ça. C'est une autre petite erreur, mais c'est obligé. Avec tout ce que je vous ai raconté, c'est magnifique, votre résumé. C'est tout ce que je peux dire, c'est magnifique. C'est gentil, merci beaucoup. Non, c'est pas gentil, c'est la réalité. Jean, alors, on est loin d'être à la fin de cette émission, mais à l'écoute de ce que vient de dire Guy, qui a résumé votre vie, on n'est pas à la fin de l'émission, mais vous pensez avoir réussi votre vie, même s'il n'est pas fini, évidemment. Sur tout ce que vous avez fait. Honnêtement, j'espère que bientôt elle sera finie. J'ai fait mon temps, honnêtement. Oui. Non, mais vous êtes encore là. Alors, bon, tout autre chose, ça. Vous me dites donc. Est-ce que vous estimez avoir réussi votre vie? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est avoir réussi? C'est une grosse question. Alors là, on tombe dans une discussion philosophique, alors. Là, carrément, oui. Réussi, globalement, je peux dire que j'ai réussi. Globalement, je peux dire que j'ai réussi. Le début de ma vie, il n'est pas de mon fait, il est de mes parents, de l'éducation qu'ils m'ont donnée, de l'éducation que j'ai eue, et puis après, je me suis retrouvé sur le marché professionnel, dans l'affaire familiale, Là, elle était déjà en grosse partie tracée du fait de mon grand-père à l'origine, de mon père. Je suis venu dans l'affaire en 1900, comme vous l'avez dit, en 1950. Mon beau-frère m'a rejoint après, en 1955 à peu près. Et on a continué l'affaire. Elle a prospéré grâce à des tas de circonstances, grâce à des tas de personnes, grâce à des tas d'événements, principalement donc à l'équipe dirigeante, mais aussi, comme je l'avais dit et que M. Gattner, vous l'aviez remarqué, grâce à l'autre personnel. On a eu un personnel extraordinaire, provenant tous de la montagne, et en particulier de Haut-Jura. Je dis bien le Haut-Jura parce que c'est un petit aparté. Pour moi, le Haut-Jura est une région particulière. Du fait de mon travail professionnel, j'ai acheté des fromages depuis les Vosges jusqu'dans les Savoies. Donc j'ai côtoyé le milieu agricole de toute la région de l'Est central, de toutes les régions. Et la conclusion que j'en ai tirée, enfin une conclusion un peu personnelle, mais plutôt une constatation, je n'ai jamais vu un milieu agricole. Plutôt que de milieu agricole, je vais plutôt dire, je n'ai jamais vu de personnes provenant de ce milieu agricole, d'agriculteurs, du niveau des gens du Haut-Jura. Quand j'allais en Haute-Saône, par exemple, j'espère que les Haussaunois, que la Haute-Patate ne m'écoutera pas, vous alliez dans des fermes, à l'époque, enfin, je vous parle quand même il y a 50 ans de ça. Oui. Hein, oui. Mais il y a 50 ans, vous rentriez dans des fermes, là, il n'y avait pas de fleurs. C'était un peu ragoûtant. Les vaches, il y avait des beaux trouvés de vaches, mais qui étaient plus ou moins apparemment soignées. Les gens, vous discutiez avec le président de la coopérative, quelques-uns, mais en dehors, on sentait que le niveau n'était pas très élevé. Et c'était un peu comme ça, beaucoup moins dans le Jura, dans le Doubs, dans les Savoies, très différentes. Mais alors, quand vous alliez dans le Haut-Jura, c'était un autre monde. J'achetais les Blue Jacks dans tout le Haut-Jura. Je faisais à peu près 23 fromageries, 10 ou 12 par semaine, quelquefois 18, parce que certaines, j'y allais tous les 15 jours. C'était des petites fromageries, et j'y allais tous les lundis. C'était un peu ma journée de détente. Vous dire à quel point j'appréciais les gens. Et tous ces gens que j'ai côtoyés, ça me sortait du niveau de l'agriculture d'ailleurs, même du Bas-Jura, qui était déjà évolué. Mais c'était des gens, vous alliez chez eux, l'hiver en particulier, où il y avait de la neige, vous rentreriez, vous alliez chez le président. Il était à son atelier où il faisait du lapidaire. À côté, vous aviez ses enfants qui travaillaient. Il y avait des dictionnaires. Il y avait une ambiance. Vous discutiez avec ces gens-là, mais on oubliait le fromage. C'était extraordinaire. Je n'ai jamais trouvé ça ailleurs dans le milieu agricole. Jamais, jamais. Alors, peut-être que certains le prendront mal, mais enfin, je dis ce que je pense. Pour moi, le Haut-Jura, c'est un habitat spécial, à tout point de vue. Bon, terminé là-dessus. En tout cas, c'est un bel hommage que vous rendez. Non, je tenais à le dire parce que c'est la vérité. Nous en étions là. Ah ben, nous en étions au fromage. Toujours. Et on va s'en tenir au fromage. Non, alors oui. Je continue sur l'entreprise. Ah ben tout à fait. Mais Robert, une question. Jean, si on peut faire un petit peu retour en arrière. Ouais. Là, vous avez cité votre père, votre grand-père. Pouvez-vous nous parler du Blue Jacks et de votre grand-père? Ah ben c'est l'occasion. Ah ben, voilà, on est là pour ça. J'en ai déjà parlé directement avec les présidents de fromagerie. Alors le Blue Jacks. Disons que c'est un cas à part. Pourquoi? Le Blue Jack, c'est une appellation d'origine qui comprend le Jura et le Doubs et une partie de l'Ain dans les parties hautes de l'Ain, montagneuses. Mon grand-père, qui est originaire de Mure, de Giron, avait une grosse ferme à Mure et l'hiver, les chemins n'étaient pas toujours faits. Il habitait toutes les fermes de la région du Collet, de Mur, apportait son lait chez lui, parce que c'était la plus grosse ferme. Et l'hiver, il fabriquait du Gex. Et ce Gex, il allait dans le courant de l'hiver, descendait à la gare Saint-Germain-de-Joux avec son cheval et sa cargaison de Gex, et il expédiait ses fromages qu'il avait préparés en caisse ou en carton déjà avant. Donc, il était dans le Gex. Et puis, il s'est aperçu que, je résume là très rapidement, qu'il se fabriquait du Gex dans la région habituelle du Haut-Jura, mais qu'il s'en fabriquait dans les périodes où le gruyère se vendait mal, qu'il se fabriquait dans le Bas-Jura aussi. Et alors que traditionnellement, il n'y en avait pas. Alors il a réuni les présidents de fromagerie du coin, les agriculteurs du secteur, et il leur a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on attaque en justice ces gens qui font du Gex alors qu'ils l'ont. Ils n'en faisaient jamais, qu'ils nous font concurrence. Et il a préparé donc avec les avocats de Nantua à l'époque, tout un dossier où ils ont porté plainte au tribunal de Nantua contre ces agriculteurs. Un dossier très étoffé de plusieurs pages, où je vous montrerai un petit peu les statuts de l'époque. Et ils ont eu gain de cause. Le tribunal de Nantua a délimité la zone de fabrication du bleu Gex, de Gex dans le Haut-Jura. Et de ce fait, le Haut-Jura a été la deuxième appellation d'origine française. La première étant le Roquefort en 1934, et la deuxième, le bleu de Gex en 1935. Et avant-guerre, il n'y avait pas d'autres appellations d'origine. Après-guerre, bien après-guerre, il s'en est fait beaucoup d'autres. Maintenant, on est à 35 ou 40 appellations d'origine. Chaque petit secteur de France veut son appellation d'origine. Mais le bleu de Gex est la deuxième après le Roquefort avant-guerre. Et ceci, je dois le dire, non pas parce que c'est mon grand-père, mais parce que c'est la vérité, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette appellation d'origine. Grâce à lui et le concours de tous les agriculteurs qu'il avait rassemblés et motivés, en somme, pour ça. Et à partir de ce moment-là, il s'est créé donc le syndicat du bleu de Gex. Voilà. 1935. Le bleu de Gex, la zone d'origine du bleu de Gex, donc très délimitée, fabriquait à l'époque autour de 5 à 600 tonnes de fromage. Aujourd'hui, elle en fabrique la même chose, pas plus. Il y avait donc 25 ou 30 fromageries, de petites fromageries à l'époque, parce que chaque village avait sa fromagerie et chaque hameau de village avait sa fromagerie. Par exemple, aux Moussières, il y avait la fromagerie des Moussières, la fromagerie du Cré-Joly, la fromagerie des Rastes, la fromagerie de Boulême, la fromagerie des Mouilles, etc. La joue a également plusieurs fromageries, avec les hameaux. L'évolution s'est faite tout doucement. La fromagerie Rébier, je pense, a apporté sa pierre là-dessus, puisque nous avons beaucoup cherché les régions de consommation de fromage pas trop éloignées de notre secteur, qui était Lyon, qui était Saint-Étienne et qui était Grenoble. Et Saint-Étienne en particulier, pour de multiples raisons. La première, c'est une grosse consommation de fromage et de bleu déjà, puisqu'ils ont ils ont le bleu d'Auvergne, la fourme d'Ambert, etc. Et mon père a prospecté pas mal de ce secteur-là, à tel point qu'il a épousé ma mère à l'époque, puisqu'elle était à l'Arc-à-Marie, en 1925. Du fait qu'il prospectait des grossistes de la région, on a donc développé Saint-Étienne énormément. On a fait de la grosse publicité à l'époque, puisqu'en 1935... ou 37, je ne sais plus exactement l'année, tous les tramways de Saint-Étienne avaient tous, tout le long, une grande banderole, le meilleur des fromages, Gex Leger, notre marque à l'époque. et des films publicitaires à la même époque. Donc on avait bien prospecté, ça a pas mal marché, Lyon également. Ce qui a également aidé les quelques affinaires de GIEX qui faisaient de leur côté également, qui avaient leur affaire, à prospérer un peu partout. Donc Lyon, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne. Et puis, nous faisions des expéditions dans le Midi. Assez curieux, mon grand-père, qui a été mobilisé pendant la guerre de 14, est parti, il a eu un pouce enlevé avec un fusil de chasse, c'est-à-dire qu'il est resté qu'un an seulement au niveau de la guerre, à l'hôpital à Belley. Et pendant ce temps-là, c'était ma grand-mère, en 1914 et 15, qui assurait les expéditions de fromage. Et j'ai encore tout un courrier important de la grand-mère écrivant tous les jours ou tous les deux jours au grand-père à Belley pour lui dire, voilà, je suis parti avec Fred. Fred était le commis de l'époque. Avec le cheval, elle était allée acheter des fromages à Montange, à Chaiserie, à l'Elex, dans toutes les fromageries. Elle achetait ses fromages, elle revenait avec le commis emballait les fromages, et elle les expédiait. Elle les expédiait. Pour, on avait un représentant à Toulon, un représentant à Marseille, et il faisait des caisses qu'on expédiait pendant les 4-14 à Marseille, à Toulon, à Nice déjà. Le grand-père avait déjà des idées. Il avait déjà la bosse du commerce. De son affaire, du commerce. Mais ce que j'ai bien apprécié, c'est pendant la guerre, j'aurais aimé avoir des photos de ma grand-mère à côté de son commis sur le cheval, avec un grand chapeau. Elle a acheté ses fromages dans la région, dans la Valserine, par exemple. Enfin voilà, c'est un détail parmi d'autres. On arrête. On revient plus loin. Oui, c'est comme vous dites, je suis un peu trop bavard. C'est ce non, que non, ma femme non, non, non, non, non, je ne me permettrai jamais de dire ça, donc, au contraire. L'affaire a prospéré, a évolué, etc. La guerre est arrivée. Je me place avant de revenir dans l'affaire. Tout contingenté, donc il n'y avait pas grand-chose à faire, etc. Après, c'est reparti, je suis rentré. Mon beau-frère, comme j'ai dit, rentré également en 54-55. Et à ce moment-là, nous avions une quinzaine de petites fromageries, toutes les fromageries du coin, avec des pencheries. C'était des coopératives à l'époque ? Toutes des coopératives. Ah oui, la grosse différence. Tout l'Est central est tout en coopérative. Avec la différence du restant de la France, de l'Ouest entre autres, ce sont tous des industriels laitiers qui achètent le lait. D'accord. Grosse différence. Les coopératives, elles viennent principalement du Jura, la Suisse et le Jura. On a des coopératives qui datent de plusieurs siècles dans le Jura. C'est très spécifique à l'Est central. Donc on a continué à évoluer, important. On est parti dans le Pré-en-Vallée, comme vous l'avez dit, très bien, parce qu'on travaillait avec beaucoup de grandes surfaces et des monoprix qui nous demandaient de découper les meules. Notre atelier s'est développé. À Saint-Germain, c'était trop petit. On avait 60 personnes au niveau de la tournerie. On était serrés les uns sur les autres. Et elle a envisagé de construire une usine, d'agrandir. Alors où ? Et c'est là où mon père, qui avait un peu déjà cette prémonition, avait acheté l'usine de la scierie de l'Écluse à Trébillet, parce que le dessous de l'Écluse, au niveau de la rivière, c'était tout des grosses arches avec eux qui soutenaient l'usine. Et il disait, on peut faire des caves à comptes extraordinaires, là. On a mis des comtés. Et puis quand il s'est agi de s'agrandir, on a dit, ben pourquoi pas Trébillet ? Il y a la place, il y avait 4 hectares. Dans le même temps, on travaillait, là j'en ai pas parlé, mais enfin je vais résumer, on travaillait beaucoup avec les coopératives de l'Ain, depuis la guerre déjà. On avait un accord où on avait toute la production de lait en Emmental et en Gruyère, qui représentait quelques milliers de tonnes déjà, on travaillait avec eux, ils nous livraient tout, et nous on commercialisait, et ensuite on transformait, on vendait. Mais dans le même temps, comme ils ont grossi, il y a une coopérative, l'Union de l'UCFA qui s'est joint à eux, qui comprenait toutes les coopératives de l'Ain, Bresse-Pleu, etc., et beaucoup d'autres, ont envisagé de leur côté à transformer leurs produits. Et l'idée est venue à peu près d'une façon concomitante entre nous et eux, et ils se sont dit, nous, on veut faire notre usine. Alors, voilà, vous voulez en faire une, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Je résume un petit peu. Et ils ont dit, l'usine, voilà, on l'a fait ensemble, et on l'a fait à Pondin, puisqu'il y avait des caves à Pondin que l'on gérait, que l'on occupait. Nous, on voulait faire l'usine, donc vous en parliez, à Trébillet, dans la région. Pourquoi ? Parce qu'on avait tout le personnel de la région. Et comme je vous l'ai dit, on a mené notre affaire à nous, mais avec tout le personnel de la région. C'est une affaire... moi, j'insiste là-dessus, c'est grâce à eux, grâce à nous et grâce à eux aussi, et surtout que l'affaire a prospéré. J'en ai discuté avec des collègues de France et de Navarre. Jamais, après, quand on a construit Trébillet, jamais il n'y a eu autant de productivité à l'usine de Trébillet par rapport aux usines en France, que ce soit chez Entremont, que ce soit ailleurs, dans la France entière. Donc, on a insisté là-dessus, et finalement, les coopératives ont dit, on fait l'usine à Trébillet, d'accord, mais on prend 51% à vous 49%. On ne peut pas prendre de minorité. Mon père, qui était gérant majoritaire, à qui on a posé la question, nous a dit, moi, je m'occupe plus de l'affaire. C'est vous, donc, toi, sans moi, et bien la pochée, qui allez prendre la décision. Vous faites comme vous voulez. Mais il vous a donné quand même des conseils. Non. Votre papa, non. Non. Vous décidez, mais... Honnêtement. Non. Ah non. Non, vous pourrez demander à bien la pochée. On n'a pas eu de conseils de sa part. Il nous dit, vous faites comme vous voulez, c'est décidé. Non. Il nous connaissait bien, c'était un... Il avait pris ses responsabilités dans son temps, et il nous a laissé prendre les nôtres dans l'autre temps. Et on avait deux solutions, soit être plus petit et continuer notre petite affaire et en laissant tout, ou soit en continuant l'affaire avec eux, mais comme ils étaient majoritaires, et on a pris cette option. On a vu l'évolution de l'affaire pour la région, le personnel, l'affaire elle-même. Et on leur a dit, nous, c'est pas 49-51, si on vient chez vous, ça ne nous intéresse pas d'avoir 49, vous prenez tout. Oui. Et c'est là où ça, c'était un petit peu dur, c'était le financement. Finalement, on s'est arrangé, ils ont pris la totalité de l'affaire, c'est là où vous dites, ça s'est passé bien plus tard. En fait, ça s'est passé en 69, au moment de la construction de l'usine. D'accord. Donc, à ce moment-là, ils ont mis un directeur qui était d'Amido, naturellement. D'Amido qui s'occupait de Bresse-Bleu n'avait pas tellement le temps de s'occuper de ça. Ils ont dit, on va mettre quelqu'un de chez nous. Ils ont pris Cotoni qui s'occupait de l'export à Bresse-Bleu. Cotoni est venu comme directeur en 70, l'année de l'inauguration de l'usine. Et puis au bout d'un an, il a dit, il était trouvé Cormorech qui était le président directeur général. Et d'Amido, en leur disant « ça n'est pas ma place, quand on vient à l'usine, on demande où M. Rémy et M. Pochet, mais jamais M. Picotoli, et c'était un fait, c'était normal. » Et donc, alors, ils ont dit « on va faire un triumvirat, on met un directeur général qui était M. Pochet, Cotoni s'occupe de l'export, moi de l'ensemble de l'usine et puis de l'ensemble des achats. » Et pendant 30 ans, jusqu'au départ de Vélin Pochet, jusqu'à ma retraite, avec Cotoni, on a fait un trio extraordinaire, unique en France, paraît-il, parce qu'on n'a jamais eu la moindre anicroche, et chacun son travail, sa partie, c'est le personnel dont je vous ai parlé, et lui a prospéré de cette façon-là. Voilà. Alors, l'usine a brûlé en 81. Bon, on en a parlé beaucoup. On a fait un exploit. Vous dites qu'on est reparti de plusieurs mois. C'est au bout de 10 jours qu'on est reparti en fabrication seulement. Parce que tout le matériel de l'usine nouvelle qu'on faisait était déjà là, n'était pas installé. On a installé dans le garage, on a installé... M. Berthémer, à ce moment-là, nous a mis à disposition tous les locaux qu'on était ici, qui est ici, à Bellegarde, Bellegarde Industrie. On a mis le personnel, on n'a licencié personne. Tout le monde travaillait. Même nos concurrents nous ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider? On a fait, on faisait beaucoup de, on était les premiers en France à faire du râpé sous vide. Et le râpé sous vide était fait avec nos, on n'avait pas encore reçu toutes les machines, par nos concurrents qui nous faisaient du râpé sous vide Rébier à l'autre marque. On avait de bons contacts avec tout le monde. Et ceci explique cela. Enfin, pour vous dire, donc, on a pu démarrer, resservir tous nos clients dans la décade qui a suivi. Décade de jours et non pas d'années. Ils ont remonté les manches, vous nous l'aviez dit, au moment de la préparation de l'émission. Tout le personnel a remonté les manches s'il fallait bosser le samedi, bosser le dimanche. Là, je dois le signaler, on a brûlé en mois de novembre 81, l'usine a explosé. Tout est amené. Il y a pas, heureusement qu'elle a explosé avant le démarrage de l'usine à 5h. Elle a explosé à 4h30 le matin. Du fait de la nouvelle usine où vous avez mis une surface énorme de carrelage avec des produits, des poêles pour chauffer, pour sécher plus vite. C'était une bombe à la sortie. Voilà. Donc, il a fallu repartir. Comme vous l'avez bien dit, on a posé la question au personnel. Et la décision, où on pouvait rester un an sans la reconstruction de l'usine, avec la perte d'exploitation étant couverte, tout le monde était payé. Au bout d'un an, on n'avait plus de clients, donc c'était fini. On est donc reparti, où on a travaillé jour et nuit, en plein hiver, pas chauffé, dans des conditions épouvantables. Ça paraît aujourd'hui invraisemblable, je pense, mais vous pouvez en parler aux gens qui restent de l'époque, ils en gardent tous un souvenir extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est grâce à eux qu'on est reparti et qu'on a continué à prospérer. Je vous coupe, hein, ça vous émeut hein, de repenser à ces souvenirs. Ben forcément. C'est émouvant, hein. Ah oui. Pardon, je vous ai coupé, mais c'est vrai que ça se voit tellement et ça, il n'y a pas de caméra ici, on est dans les studios, c'est voilà. Forcément. Je comprends. Donc, 80 mon beau-frère est parti en 84, je crois. Moi, ma retraite arrivait en 86. Les coopératives, oui, parce qu'on avait vendu donc aux coopératives déjà depuis 20 ans ou 30 ans. Mais ils ont dit, on ne s'occupe pas. C'est Rébier, vous commercialisez, vous occupez de tout. Non, Bolivar les fromages, c'est tout. L'affaire a donc continué comme ça. Et puis, en 86, où j'arrêtais, les coopératives, à ce moment-là, n'ont pas voulu prendre sur eux de diriger l'entreprise. Ils ont réuni toutes les coopératives adhérentes et ont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont dit, mais on continue pas. On va vendre, puis on va récupérer le mobilier. Et c'est là qu'ils ont vendu Entremont. Alors moi, je suis resté un an de plus. Jacques Entremont m'avait demandé de rester un an de plus. Je suis parti en 87, à 61 ans. Voilà, en gros résumé, très schématiquement, l'évolution de l'affaire. Schématiquement, c'est beaucoup dire, hein, parce qu'il y a quand même des précisions, oui. Et puis des moments qu'on vient d'assister, nous, là. Oui. Comme dit Robert, on n'a pas de caméra. Hein. En tout cas, pas aujourd'hui. C'est vrai, elle ne marche plus. Il va falloir qu'on la remette en route. Mais enfin, ce sont des souvenirs quand même, effectivement. Et peut-être aussi... Alors, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, vous avez déménagé de Saint-Germain-de-Joux, hein, il y a quelques années, et grâce à votre ami Pierre, vous êtes maintenant un bel gardien, un Valserrenois. Un Valserrenois. Voilà. Oui. L'avantage de rester sur place, c'est que quand on se promène dans la rue, et puis qu'on rencontre certains de nos collaborateurs, Pratiquement tous les jours. Et que, elles ne sont plus tout jeunes. Oui, elles ne sont plus tout jeunes. Et quelquefois, même si vous avez du mal à les reconnaître tout de suite, bien sûr, eux, ils vous reconnaissent bien. Je vais expliquer la petite jeune fille qui travaillait chez nous, 14 à 18 ans, et qui, à la presse, il y a 3-4 ans, me dit « Bonjour, monsieur Rébier. » Elle avait 60 ans. Je lui dis « Mais vous êtes qui ?» Et quand elle m'a expliqué, j'ai tout de suite revu. Enfin, pour vous dire. Oui. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez laissé votre empreinte. Ouais, empreinte. Et c'est une empreinte positive, hein, parce que les fromageries Rébier, on a fait notre travail, chacun. Tout le monde a fait son travail, tout le monde. Ouais. Chacun à son niveau. Ouais. Voilà. Et je pense que, tout simplement. Ouais. Alors, vous avez. On a appris, parce que là, l'histoire, elle est bien plus longue que ça. Hein. Si je remontais avant, elle est bien plus longue que ça. Mais vous nous aviez aussi confié que vous aviez un petit peu des ramifications. Et ça nous avait des ramifications avec, par exemple, attendez que je me souvienne, Varichon-Clair, par exemple. Ah ben oui. Varichon-Clair, donc les vins et les fromages. Après, les jambons d'Aoste. Oui. Donc, vous oui, avez... Oui, ben c'est un peu... Oui, ça, oui, ça fait partie de la famille. Ça fait partie de la famille. Alors, pour parler Varichon-Clair, c'est de ma famille personnelle. Puis, j'ai 5 enfants. Et une de mes filles a épousé... Le fils de... Édouard. De Claire. Je perds son prénom. Charles, c'est bon, gendre, voilà. Donc, elle a épousé le fils de Claire. Il a épousé Charles Claire, qui est architecte. Et... Il se trouve qu'une de mes petites filles, Valentine, qui a fait une école de commerce à Paris, qui devait rentrer chez Samsung après, a trouvé un biais en disant « je pars en Chine avec mon ami et puis on lui viendrait voir dans un an », a été faire l'école d'œnologie de Bordeaux. Et puis elle a toujours aimé le vin, elle se trouve qu'elle a... Elle a trouvé des Parisiens qui voulaient investir dans le vin et ils ont créé une marque de champagne. Elle s'occupe de champagne maintenant. Nous avons goûté. Oui, nous avons goûté. On l'a goûté. Champagne. Il était très bon. Enfin, je n'ai pas payé pour faire la publicité. Vous n'avez pas donné la marque. Vous n'avez pas donné la marque. Pas donné la marque. Donc, il n'y a pas de publicité. Pas donné la marque. Puis, il se trouve que... mon oncle Roger, qui travaille avec mon père, puisqu'on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, est parti en 48 dans la maison, il s'occupait des porcheries, il est rentré dans la Salaison à Lyon, il a monté des tas d'affaires à Lyon, il a tout revendu en des années 70 à un grand groupe de bonnes conditions, aux Anglais, il a rapatrié cet argent en France et en Suisse, de façon légale, puisque il s'est installé en Suisse avec son fils, Michel. Et comme il avait vendu ses affaires avec la marque Rébier, il n'a pas pu monter son usine. C'était son idée première de monter une belle usine en Salaison. Il y en avait dans l'industrie laitière, mais il n'y avait rien en Salaison. Lui, venant de l'industrie laitière, s'est dit « je veux faire la même chose en Salaison ». Et depuis la Suisse, il a monté à Aoste. Pas sous le nom Rébier, mais sous le nom de... Il a monté à Aoste en Isère. Oui. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est le bon vouloir, si c'est trouvé comme ça. Il a appelé son usine, il a fait des jambons, d'Aoste, Isère. Et il a mis là son gendre qui était professeur d'histoire à Lyon, qui avait épousé une de ses filles. Il lui a dit « qu'est-ce que tu fais là ?» j'ai pas posé ma fille pour qu'elle gagne sa vie, je ne sais pas comment. Tu vas partir dans l'usine qu'il avait achetée à Parme, faire du jambon. Et il est resté 11 ans de prof d'histoire à prendre le jambon à Parme avec sa femme. Et il est revenu à l'usine d'Aoste. Donc ça s'est développé. Il a fait des produits, de très bons produits. Il a fait la même chose. Et là, comme il avait besoin de quelqu'un en 1983, il est venu nous solliciter. Et c'est là où mon beau-frère est parti chez lui, puisque son fils était bien plus jeune, Michel Rébier. Et mon beau-frère rentrait comme directeur général d'Aoste. Michel Rébier étant en Suisse. Il a donc continué à Ost, il a fait sa carrière aux jambons d'Aost avec le Cochonou, etc. Et comme il est plus jeune que moi, il a continué encore un peu plus longtemps et il est à la retraite à Bellegarde également. D'accord. Alors donc, Michel Rébier a vendu toutes ses affaires et maintenant il est installé en Suisse. Il est dans l'hôtellerie, les cliniques, le vin, etc. La famille, elle avait de qui tenir, hein, parce que le grand-père met en place quelque chose, le fils met en place quelque chose. On avait toujours des idées. Et les fils derrière remettent en place. C'est une continuation sans fin. Oui. Et un de mes fils, lui, a continué de son côté. Hein. Pas dans le fromage, mais dans les chaises, dans les meubles de jardin. Voilà. Oui, mais là aussi, hein, c'est porteur c'est porteur aussi, ça. Bien sûr, il a une belle affaire. Voilà, si tu veux faire de la publicité un jour, je le dirais. Ah bah écoutez, on est toujours ouvert, c'est pas un souci. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est une courte pause. Toute petite pause, oui, musicale, oui, parce qu'on a encore deux, trois choses à dire. Hein. Ah d'accord. Je retourne. 45 minutes hein, que l'on cause là. 45 minutes, que part, ouais. Enfin, que vous causez, pardon. Il y aura peut-être des coupures à faire, j'ai dit des conneries. Vous ne faites pas de soucis. Oh, c'est éteint, non? Oui, ça marche. Non, ce n'est pas éteint. Non, ça marche. Non, c'est enregistré. Ah, ça marche toujours, là. On va écouter un petit extrait musical. C'est en direct. Vous savez, monsieur Rébier, ici, oui. Ce qui est dit, est dit. Hein. Oui. Ce qui est dit, est dit. Est dit. Il n'y a rien de coupé. Il n'y a rien de coupé. Jamais. Jamais. Jamais. On fait une courte pause et on se retrouve dans à peu près 3 minutes. Voilà, le Boléro de Ravel, en tout cas un extrait, parce que le Boléro de Ravel fait 15 minutes quand même, c'est magnifique. Notre invité de figure de notre région, c'est Jean Rébier. Un tout petit commentaire sur le Boléro de Ravel, c'est cette musique que vous avez choisie, enfin, parmi d'autres que vous aimez. Parmi d'autres, ben écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi, parce que je l'aime beaucoup, tout simplement. Et j'aurais choisi également du piano, parce que quand j'étais jeune, tout petit, ma mère jouait beaucoup au piano, ma vraie mère, parce que mon père s'est remarié après, en 37. J'ai perdu ma mère, moi, à l'âge de 5 ans, en 1931, elle avait 29 ans. Et je me souviens, tout petit, être à côté d'elle sur un tabouret de piano, elle jouait d'une façon instinctive du piano, comme son frère, mon oncle Jean, qui était stéphanois. Et donc, quand j'étais au collège, mes parents, mon père, ils m'ont dit, il fera du piano. Et j'ai fait du piano pendant quelques années quand j'étais jeune. J'en ai plus fait après, mais j'aime beaucoup le piano, entendre le piano. C'est mon instrument préféré. Alors, Boléro de Ravel, parce que j'aime beaucoup. C'est reposant, c'est une musique, c'est un grand compositeur. La musique, ça ne se définit pas, vous voyez, ouais. Ça se ressent. Ça se ressent. Ouais. Ah ben, tout à fait. Ouais. Ah, vous avez vraiment dit le mot juste. Dans votre parcours, Jean, alors il y a beaucoup de choses. Vous avez été maire pendant 3 mandats. 3 mandats. Mais comment est-ce qu'on peut concilier le travail, l'occupation que vous avez, et en même temps s'occuper d'affaires municipales? En tout cas, vous avez été élu, mais on ne vous a même pas posé la question à la limite. Hein. C'est vous qu'on a choisi. Ah oui, je vous ai expliqué. Ça s'est passé dans les règles, mais enfin, c'est surprenant quand même. J'ai refusé 3 fois, et bien on m'a dit, si, de toute façon, ce sera comme ça. J'étais obligé d'accepter. Bref. Qu'est-ce que vous en retenez, justement, de ces... Alors, vous me dites comment on peut concilier. C'est bien là un peu le problème. Mais ce problème, il se résout. Regarde, je prends aujourd'hui les maires actuels de la région. Ils ont tous du travail, que ce soit le maire de Châtillon, le maire de Lancran, le maire de Bellegarde, il est obligé d'être à plein temps. Mais la plupart des maires, ils ont leur activité. Et c'est un gros, gros travail. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas toujours compte. Le maire, c'est un homme qui a du travail, mais c'est un homme qui est fait, comme je l'ai dit d'ailleurs quand j'étais maire pour la première fois, pour être critiqué. Quand j'étais élu pour la première fois, j'ai dit à mes conseillers, voilà, mes enfants, vous avez été élus, pourquoi? La première chaire des choses, vous savez que vous allez être critiqué. Automatiquement. Voilà. Attendez-vous à recevoir des coups de pied derrière, c'est tout. Pas des compliments, des critiques. On est élus pour ça. Et c'est un peu la vérité. Et vous en avez pris beaucoup de coups de pied derrière, comme vous dites? Oh, c'est un bien grand mot. Non. Non, mais les critiques. Alors, un maire, je pense qu'un maire, il écoute les critiques, mais il écoute les critiques positives, il en tire les conséquences, et effectivement, ça peut l'aider. Mais les critiques, en général, ça lui passe dessus. Mmh. Ça lui passe dessus. Alors, pour en venir un maire, c'est très difficile, effectivement. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas être maire. J'ai été élu une première fois. La deuxième fois, ils m'ont dit non, de fil en aiguille, 3 fois de suite. Au début du 3e mandat, j'ai dit c'est le dernier, j'ai déjà prévenu. Parce que, effectivement, ça me posait de problème. Alors, un petit peu au détriment de l'affaire, mais l'affaire était bien en route, bien constituée. Au conseil municipal, j'avais des adjoints, j'avais qui était encore en vie, on enterrait mon chef de cave d'Oblet, et puis la Syrie. Je perds les noms, je m'excuse. C'est pas grave du tout. Voilà. Si. Chambas, non. Non, j'avais Chambas, mais qui n'est pas resté longtemps. Néron. Voilà. Henri Néron, voilà. Qui est resté longtemps mon adjoint. Hein, qui est encore en vie, qui a perdu sa femme il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'était la Syrie Néron, je crois. La Syrie Néron. D'accord. Syrie Néron. Ouais, là-bas, c'est là-bas, ouais. Syrie Néron. Oui, alors, donc, j'ai fait mes 3 mandats. J'ai succédé, d'ailleurs, à mon père, qui avait 3 mandats auparavant. C'est pour ça que je ne voulais pas être maire, pas en faire une affaire de famille. Le résultat, j'ai fait encore 3 mandats, ça faisait 6 qui se continuaient. Mon grand-père, comme je vous l'avais dit, avait été maire de Giron, lui, entre la guerre de 14 et puis la guerre de 45, parce qu'exclusivement. Donc, enfin, bon, les choses sont ce qu'elles sont. Oui, alors j'ai essayé de concilier. C'est pour ça que j'étais en maire. J'aurais pu faire beaucoup plus que je n'ai fait, certainement, par faute de temps. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, on a des limites, tous. Voilà. Comme ça. Et une question qui me vient à l'esprit, M. Ribier. Mireille dans tout ça. Ah, Mireille, on n'en a pas parlé. Ben oui, Mireille. Alors Mireille, bon, moi, je l'ai épousée en 48, en 51. Le jour où on devait se marier, j'ai enterré mon grand-père, donc notre mariage a été un petit peu... On l'a repoussé 8 jours, c'est un peu particulier. Ça l'a quand même... elle en a quand même bien... subi un peu par les conséquences, mais enfin, ça l'a marqué, c'est normal. Alors Mireille, donc, elle est venue à Saint-Germain, elle venait de Marseille, une grande ville. Peut-être son origine, vous voulez... Je ne l'ai pas évoqué, il n'y avait non. Pas... Mais vous pouvez l'évoquer. Oui, son origine, ses habitants, sa mère était grecque, son père un peu d'origine arménienne, mais français, et il s'occupait des chemins de fer français en Turquie, parce que la Turquie, la France avait une grosse influence à l'époque. Le chemin de fer, le long des gares turques était tout écrit en français. À la guerre de 14, on oublie ça, les journaux étaient écrits en français. Bref, il y a eu la guerre ensuite contre la chrétienté en Turquie. Et comme beaucoup d'étrangers qui étaient d'origine chrétienne, ils sont tous partis en 1927, beaucoup d'Italiens, de Français, etc. Et il s'est retrouvé à Marseille. Mon épouse est née à Smyrne, donc elle est venue à 6 mois. Et est arrivée à 6 mois à Marseille, elle a fait ses études à Marseille. Je me suis retrouvé, comme on l'avait dit, donc pour mon droit à Marseille, pour différentes raisons. Et on s'est retrouvé sur la faculté, on s'est connus. On s'est fiancés, on s'est mariés, elle est venue à Saint-Germain en 1951. De Marseille, dans un trou où il y avait 600 habitants. J'aime bien, alors, je vous fais un dessin. De la façon qu'il l'a dit. Un dessin, étonnant, connaissant personne. Voilà. On a eu 5 enfants. Elle s'est occupée de ses enfants, énormément. Elle s'est occupée des associations de Saint-Germain. Elle faisait le catéchisme à Saint-Germain, elle s'occupait un peu de tout, quand il y avait des accouchements de personnel, elle s'en occupait un petit peu. Les week-ends, on allait chercher les enfants qui étaient au collège Annecy, puisqu'il n'y avait pas, à l'époque, le lycée n'existait pas. Au ski, le samedi matin, on rentrait le vendredi soir, nous c'était le ski, elle c'était les repas pour les enfants, où les copains, quand il y en avait, les vacances, quand on avait quelques vacances de ski, c'était avec des copains ou des amis. Elle avait un moniteur, elle faisait 1 heure de ski avec son moniteur, et c'est tout, mais elle était avec la maison, à la maison, au chalet, avec les enfants emmenés au cours, les repas. J'arrête là, je ne fais pas de dessin. Bon, mais Mireille, elle a subi un peu la vie mouvementée de son époux, mais enfin, elle m'a porté énormément, énormément, énormément. Enfin, couple, ça fait 67 ans qu'on est mariés, voilà. On s'est bien engueulés bien souvent, encore maintenant, très souvent. Violemment, même, on se dit tout, mais on s'aime énormément, c'est le principal, ça a continué. Elle m'a donné 5 enfants, 12 petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et qu'on a éduqué le mieux possible. À l'époque, ils nous ont fait le reproche sévèrement, même, trop sévèrement, comparé aux copains. Oui, tu vas lui acheter une moto. Je lui dis non, quand tu pourras t'en payer, tu te l'achèteras, etc. Donc on était des parents un peu trop durs, paraît-il. Mais aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est que, pas directement, mais par l'intermédiaire de copains ou de petits-enfants, il disait, oh, on a eu des parents comme ça. Moi, j'ai reçu une gifle à un moment donné, j'avais 18 ans, c'est la solde de ma vie. Mais il avait raison. Aujourd'hui, c'est fini, c'est plus la même société. C'est autre chose. C'est pour ça qu'on a fait notre temps, on a bien fait notre temps. Jean, vous avez été élevé à la dure. Vous estimez avoir été élevé à la dure? Non, pas à la dure. La dure, c'était la vie de l'époque. Moi, j'étais au collège. Alors, je peux vous dire... le collège, pendant la guerre, à Avignon, j'étais chez les jésuites. Certains prendront bien ou mal, j'en sais rien, mais j'en garde un très bon souvenir. Alors, la dure, oui, mais je ne garde que des bons souvenirs. Et pendant les 4 ans que j'ai passé là-bas, je peux dire que pendant les vacances scolaires, chez mes parents, où naturellement on était dans le fromage, on mangeait bien. On avait du fromage, on avait du beurre. Mais quand j'allais au collège, j'ai crevé de faim pendant 4 ans. Carrément. On mangeait des rutabagas à l'eau, des pâtes toutes noires à l'eau, et du pain. On se battait quand on à 4 heures. Entre les rangs, on vous passait la corbeille de pain, on se battait pour choisir le plus gros morceau. Pain sec. Hein. Mais tout ça, c'est pas être élevé à la dure. C'était la période. Il y en a, beaucoup d'autres qui ont souffert plus que moi. Certainement. Je garde un bon souvenir de cette éducation, parce que c'était la période. En tout cas, ça vous a, tout du moins en partie, forgé le caractère. Peut-être. C'était comme ça. Bon, à l'époque, peut-être. C'était comme ça, mais on a son caractère, il évolue plus ou moins bien, on a plus de facilité, au moins, suivant les gens. Moi, je suis comme je suis. Ça m'a aidé. J'ai eu des parents qui m'ont éduqué. À la dure, pas à la dure, c'est pas le beau. Non. C'est pas le beau. C'était la période. Non. Et je regarde un bon souvenir, sauf le souvenir de la période de 40-44, j'en ai pas parlé, je me souviens de la guerre, où mon grand-père, mon père et mon oncle ont été arrêtés le jour de Pâques 44 par les Allemands. Ils ont déconduit à Bellegarde. Parce qu'on avait, là vous allez me dire que je suis bavard, on avait entreposé de l'essence et des pneus à giron pour l'entreprise. Il y a eu l'opération donc en mars 44 des Allemands, et c'est toute une colonne qui est venue. Ils ont brûlé toutes les fermes de Giron, sauf la nôtre, parce qu'on avait une famille de fermiers rendus qui étaient avec leurs 8-9 enfants. Et la ferme n'a pas été brûlée, mais la ferme en dessus, où on avait stocké, est brûlée. Et ils sont repartis et ils ont demandé, ils savaient que ça partait au fromage et bien, mon grand-père était maire d'Iro. Ils sont arrêtés devant la maison en Saint-Germain, on était le jour de Pâques, on dînait en famille avec mon grand-père, mon oncle, etc. Et mon père, bien sûr, ils sont arrêtés, ils sont rentrés, ils ont demandé le maire, mon grand-père s'est levé, il était en pantoufles et en bretelles. Et puis, ils l'ont pris, ils ont emmené mon père et mon oncle, et Roger. Mon grand-père dans un half-track, mon grand-père dans un... Les deux, et mon oncle et mon père derrière, tous les deux, au milieu de la colonne, ils sont partis. Ils sont arrêtés à Trébillet, la colonne. L'half-track de mon père et de mon oncle ont été mis sur le côté. Et les officiers ont palabré pendant 5 minutes. Et là, mon père et mon oncle me disent toujours, ils me disent, là, on s'est dit, bon, on va étudier, c'est fini. Et c'était certainement la discussion. Au bout de 5 minutes, ils sont repartis. Ils sont arrivés à Bellegarde, je le dis parce que c'est un épisode qui m'avait marqué à l'époque. Ils sont arrivés à Bellegarde, mais dans les écoles de Bellegarde, il y avait 200 quelques personnes qui ont toutes été déportées. La plupart ne sont pas revenus. Et les trois ont été mis à part dans une classe comme de terroristes dangereux, dans une petite pièce. Bon. Madame Guillemas de la Croix-Rouge est venue visiter tout le monde. Et puis on lui dit, là-bas, il y a trois terroristes dans une pièce, là-bas. Elle rentre et elle voit. Mon grand-père, il y a tous les trois, mon grand-père. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on explique, bon, on nous a mis là, etc. Alors, mon père lui dit, alertez du boulot. Du boulot était le fromager de l'époque, le tiers. Il était réquisitionné pour ravitailler les troupes allemandes qui aux écoles par là. Elle était voir du boulot. Et du boulot avait ses entrées. Je sais plus les détails parce que mon père n'a jamais trop parlé de ça. Il n'aimait pas. Il est rentré dans la cour derrière. Ils ont pu ouvrir la fenêtre de. C'est curieux, la fenêtre n'était pas fermée. Il y avait des Allemands partout. La fenêtre de l'endroit où ils étaient. Ils sont rentrés dans la camionnette. Du boulot est reparti avec sa camionnette avec tous les trois. C'est passé comme ça. Une chance, double chance. Sur le point d'être fusillé quelques heures avant, ou le matin, ou la veille, et puis pouvoir s'évader tous les trois, alors qu'ils étaient mis de côté, justement. Et là, alors je passe par la garde 40, nous on est partis à ce moment-là. Il y avait mon oncle qui restait, il avait une corde sur le balcon qui allait dans la rivière au cas où les Allemands venaient. Et il y avait une autre corde qui était chez Poncel Boucher, qui de l'autre côté de la route nationale, dessous, où il pouvait remonter au cas où. Et mon père rejoignait par derrière également, s'il pouvait. Et puis, ils sont partis, ils n'ont pas pu rester, quoi. Hein? Alors, l'affaire. Enfin, bref. Bref, ça, c'est. C'est le. En fait, c'est le véritablement le plus mauvais épisode de votre vie que vous évoquez, là. Oui. Un peu. Oui, je pense. Oui, ouais. Oui, certainement. Oh, ben, certainement. Ouais. Certainement. On a eu de la chance. On a eu de la chance. Oui. Parce que beaucoup, ils sont restés. Hein. Ils auraient dû rester. Alors, vous voyez comme quoi la vie est faite. Hein. Ah, mais des fois, elle tient à pas grand-chose. Hein. Elle tient à rien du tout. Ouais. Qu'est-ce qui serait... Des circonstances qui font que, comme on dit... Ouais, un bonhomme, qui... Il est probable que, je ne sais pas si l'affaire est bien aurait existé. Ouais. Oui. Ah oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Ah bah, ça aurait pu, oui. Dans vos engagements... Dans vos engagements, parce que bon, on a parlé de l'entreprise, votre carrière, vos différents mandats, et il y a un autre engagement d'une nature qui vous ressemble... vraiment beaucoup, et on n'est pas surpris, vu le bonhomme que vous êtes, c'est le Rotary. C'est ça, mais quand vous avez commencé votre phrase, j'ai pensé que vous alliez parler de ça. Et vous en êtes aujourd'hui le doyen. Ben, je suis, oui, je ne dis pas malheureusement, parce que je suis encore là, heureusement. Mais je suis le doyen, je suis rentré au Rotary en 1956-7. Oui, donc ça fait 62 ans aujourd'hui de Rotary. Ouais. Et le Rotary. Le pourquoi, ben un peu peut-être il faut dire le hasard aussi à ce moment-là. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Rotary. Il y en a qui en pourraient en parler bien mieux que moi. Pierre Tolas, qui était notre gouverneur. Enfin bref, je suis rentré au Rotary. Le Rotary, c'est un club. Un club qui est peu connu et qui est surtout, à mon avis, mal connu. Je veux dire pourquoi. Le Rotary, c'est une réunion à la base, c'était formé par l'Américain Paul Harris en 1905, qui avait pour but de réunir des professionnels différents. Plutôt que on est chacun dans sa profession, on voit toujours les mêmes. Il s'est dit, il faut qu'on ait des contacts avec les autres, voir un petit peu ce qui se passe. Et c'était des professions différentes. Il a évolué beaucoup, etc. Maintenant, on est 1 200 000 Rotariens dans le monde. Il y a je ne sais pas combien de clubs en France maintenant. En France, France, on a 35 000 Rotariens et il y a 1100 clubs. 1100 clubs et 35 000 Rotariens. Et Bellegarde a créé en 1946 un club du Rotary. Une très bonne chose. Je suis rentré donc à ce moment-là, en 57. Et donc, le Rotary, pour en revenir, oui, c'est une réunion de professionnels dans chaque ville, dans chaque petite ville. Et leur seul but, c'est d'écouter leur devise. Leur devise, elle est simple. Il y a un seul mot, c'est servir. Le mot servir. Et servir quoi? Eh bien, servir les autres. C'est pas se servir, servir les autres. Or, naturellement, les gens qui sont venus Rotary de professions différentes ont choisi des professions qui existaient déjà, donc des gens qui avaient une place. Et ce qui a fait dire un petit peu à beaucoup de monde, c'est des nantis qu'on recrute. C'est pas du tout ça. On recrute des gens de façons différentes. Nantis, ben, des professions différentes. Qui a une profession où il a réussi, ben, c'est sûr qu'il est peut-être un peu nanti, j'en sais rien, mais c'est pas le mot. Qu'on doit donner au Rotary, c'est pas du tout ça. Le Rotary, c'est des gens qui se réunissent pour servir dans une ville, pour servir quoi? Leur club est au service de la ville, du Rotary en général. On a une cotisation qui va au Rotary international, et une cotisation qui va au club. Et ce club nous permet de faire cette cotisation, nous permet de faire des petites actions, parce qu'on n'a pas une cotisation très élevée. On a un repas toutes les semaines. Et ce repas toutes les semaines, ça paraît difficile. Mais moi, quand on m'a contacté, j'ai dit jamais je pourrais y aller. Et puis finalement, au bout de quelques temps, j'ai dit tu te déplaces, tu as des réunions, etc. Tu manges à midi en général. Et tu as des réunions. Donc c'était le mercredi à l'époque. Je me suis dit, mais c'est la vérité, mercredi, tu auras une réunion. Tu auras une réunion à 12h30. Et à 2h, tu seras à ton bureau. Et c'est pour ça que, et c'est ce que je dis à chaque Ontarien, à midi, vous mangez, en général. Oui. Oui. Maintenant, on mange rapidement, c'est différent. Donc, votre heure de repas, quand vous êtes dans la région, ben, pourquoi vous ne la passeriez pas dans votre club de midi et demi à 2h? Non pas à manger, parce que contrairement à ce qu'on dit, on ne fait pas des repas, on ne le dit pas. Très succinct, on ne va pas là pour manger, on va pour parler du Rotary. On fait notre repas, et le président, au cours du repas, à plusieurs à la fin, mais même pendant le repas, il s'interrompt entre le plat pour parler du Rotary. Pour parler de quoi? Pour parler de nos actions. De nos actions. C'est-à-dire, on a notre cotisation, mais pour faire des actions, il nous faut de l'argent. Donc, on parle des actions que l'on va mettre en place pour faire de l'argent. Pour redonner au club de la région, au club à la Croix-Rouge, aux Enfants de la Lune, je ne sais quoi. Au don du sang, par exemple aussi. Il y en a un paquet. Hein. Non, mais un paquet. On voudrait faire plus, mais on fait ce qu'on peut. Et toutes les actions que l'on fait, une des actions que l'on a fait, qu'on a mis en cours depuis peu d'années, mais qu'on va continuer, c'est le Salon des Vins, par exemple. Le salon de vin, ben, tous les Rotariens s'impliquent dedans. On y met des billets, on y met, etc. On cherche à les vendre, on cherche à faire de la recette. On fait de la recette. Cette recette qui rentre au club, quand vous avez des recettes en général, dans les organisations, bon, il y a tout un staff qui est en place. Ben, il faut payer ce staff. Nous, Rotari, on ne paye personne. On a des recettes. On est tous des bénévoles. Et je dirais des bénévoles, on appuie même dans la cotisation. Si on n'y arrive pas, ben on met peut-être la main à la poche 6 fois. Mais c'est autre chose. On est des bénévoles. On fait des actions. Les actions, ça demande du travail. Et c'est notre travail au Rotary, à faire ces actions, à les préparer. Le Salon des Vins, je peux en parler. À côté de moi, il y a celui qui, grâce à qui on a ce salon qui réussit maintenant, à Pierre Tollard. Il nous rapporte de l'argent. Donc on le continue. On le continue pour Bellegarde, parce que ça amène de l'animation. Et puis au niveau du Rotary, ça nous fait des recettes qu'on peut après redonner, répartir au niveau des associations de la région. Et toutes les actions que l'on fait, je pense au Salon des Vins, mais Il y en a des tas d'actions. Les oranges. L'opération Orange, dont tu t'es occupé beaucoup. Entre autres, tu vois, moi, j'avais oublié les oranges. Les oranges, il y a la soirée de jazz, prochainement la soirée rock. Et toutes ces soirées, ça nous demande du travail, du temps et des recettes. Et ces recettes, on est certainement peut-être une des rares ou des seules associations, peut-être comme nous, le Lions, peut-être, où si on fait 100 de recettes, on ne répartit pas, comme dans certains 60, 70, 80, 90, on répartit 100. Nous, il rentre 100, il ressort 100. Si il y a des problèmes, c'est notre problème, c'est notre travail. Mais l'image, vous parliez de l'image du Rotary, elle est en train d'évoluer ces dernières années, pour Bellegarde je parle. Hein. Oui. Elle a quand même drôlement évolué cette image. J'espère, puisque le Rotary, je vous dis, est peu connu, et je disais souvent mal connu, parce que c'est cette image ancienne qui ressort. Mais le Rotary, au niveau de Bellegarde, c'est un club qui apporte comme beaucoup. Il apporte tout ce qu'il peut. Et son seul but, en dehors des actions rotariennes, on a une assemblée de district par an, on a des obligations. Mais autrement, notre vie, c'est Bellegarde. Il faut des choses comme elles sont. J'ai à côté de moi Pierre Tolas, qui était gouverneur du district. Et le district, notre district, 90-70, c'est très important. C'est Lyon, le Rhône, la Loire et l'Ain. C'est trois gros départements. Robert vient d'évoquer le fait qu'à Bellegarde, le Rotary reprend un petit peu de la vigueur, on va dire. Moi, si je peux me permettre une chose. On aime bien les critiques. C'est pas une critique, non, c'est pas c'est une critique. C'est une critique positive. Me semble-t-il que une association, lorsque cette association, elle a pignon sur rue, comme on dit, c'est quoi qui fait vivre l'association? C'est les hommes. Oui. Parce qu'il n'y aurait pas les hommes, il n'y aurait pas d'association. Uniquement. Mais ces hommes, et Robert vient de l'évoquer d'une certaine manière, si Bellegarde accepte un peu mieux de reconnaître les actions qui y sont faites par le Lions Club, différentes actions. Par le Rotary, par ces deux entités que quelquefois on a du mal à reconnaître. C'est par rapport aux hommes. C'est parce que les hommes savent s'investir et parce que les hommes savent communiquer. Et partout. Parce qu'il y a ça aussi. Mais c'est l'homme. Heureusement, d'ailleurs, que c'est l'homme. Et peut-être à Bellegarde, on a cet avantage, je le dis parce que je le pense fortement, c'est qu'on a une radio qui permet aussi de faire parler les hommes. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. La presse en général. Oui, non, mais c'est exact. Je me rattrape. La presse en général. Mais la radio en particulier. Bien sûr. Et j'invite toutes les associations, quelles qu'elles soient, à nous solliciter, on est là pour ça. Et de votre côté, vous allez solliciter à venir, parce qu'il y en a peut-être qui n'y pensent pas. Bien sûr. C'est sûr. Ben voyez. Non, mais c'est très bon. Grâce à Pierre, on a pu aujourd'hui vous inviter. Oui. Grâce à Pierre. Oui. Parce que c'est vrai que il y a des personnages qu'on connaît, on connaît aussi un petit peu leur histoire, mais dont on n'ose pas trop après aller fouiller dans leur vie. Et c'est grâce à des gens comme Pierre Tolas qui fait qu'il est générateur de connaissances. Voilà, et ça, c'est positif. Ouais. C'est surtout ce qu'il faut regarder. Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres associations également, avec des interrogations chez vous à Sorgia, qui peuvent mieux se faire connaître. Oui, bien sûr. Et je dis, les gens, d'ailleurs... Si vous ne connaissiez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'apprécier. Oui, non, mais bien sûr. Il y a bien des gens qu'on ne connaît pas. Ce qui manque dans notre société aujourd'hui, où tout le monde... Je vois les gens, ils sont tous avec leur appareil. Ouais. Vous allez dans le train, je prends le train pour aller à Lyon, plus personne ne se croise. Ils ont tous avec l'appareil. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le contact humain. Ouais, c'est l'homme. Là, l'homme, il est en contact avec une machine. Mais le contact humain, c'est entre deux hommes. Ce n'est pas tout seul. Ce n'est pas un homme avec une machine. Vous avez raison. C'est ce qui fait la, l'évolution négative de notre société aujourd'hui. C'est ça pour moi. Vous avez raison. Il manque le contact humain. Donc, Jean, vous ne voyez pas ça de manière très positive. Les années, les générations qui arrivent, quand on voit, on dit les gamins, mais les gamins, ils sont même les gamins qui sont grands, ouais. On les voit avec leur smartphone, leur téléphone, ouais. Etc. Vous ne voyez pas les choses de manière très positive pour les générations à venir? Alors, je vais vous dire. Je suis un peu comme tous les vieux. On vous dit, qu'est-ce qui va se passer plus tard, regardez les gens maintenant, regardez les jeunes. C'est un fait qu'il y a une évolution où il y a quand même... beaucoup d'éléments qui me chagrinent. Mais grâce à mes enfants, mes petits-enfants, je réfléchis à ça. Ils sont plus... mes enfants, moins, ils sont un peu de la même génération que moi. Mais mes petits-enfants, c'est une autre génération. Ils ont déjà une autre vie, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, donc une autre façon de s'adapter. Et je pense, j'espère pour eux et pour tout le monde, et pour tout le monde, pour la France, pour l'évolution du monde, j'espère que ces jeunes s'adapteront à la vie, à la technologie, à la science du futur, mais d'une façon différente de nous, complètement différente. C'est tout à fait autre chose. Mais genre, alors, pardon. Je veux mais... pas. Alors, à un moment donné, j'étais un peu négatif et défaitiste. Je suis moins maintenant parce que le côté négatif, ça ne m'intéresse pas. J'espère pour eux qu'ils s'adapteront et puis qu'ils auront une autre vie et que. Après tout, ça sera un autre monde qui seront dans ce monde-là. Mais genre, rien ne remplace l'humain, le contact humain. Mais c'est la seule chose, je pense. C'est ce que je redis à tous. Est-ce que ça va revenir, ça? Enfin, comment on peut imaginer les choses? Alors, ça reviendra peut-être d'une façon différente, à mon avis. Parce que les contacts, maintenant, ils les ont avec des machines. Mais l'homme reste quand même l'homme. Il n'a pas... physiquement, on est pareil. Au plan du cerveau, on est pareil. Il n'y a pas eu d'évolution. Les grands cerveaux, il y en a eu bien avant nous, peut-être plus qu'on en a maintenant. Hein, c'est certain. C'est sûr. Alors, non, moi, je pense que la machine va être présente, la technologie, mais il restera quand même un besoin de l'homme, un besoin partiel de l'homme de garder ce contact. Et je pense qu'à ce niveau-là, des clubs comme le Rotary sont indispensables. Parce que Rotary, on n'est pas avec des machines. On parle entre nous. On parle entre nous. Le seul... On a eu un petit problème. Je peux en parler, Pierre, du petit problème qu'on a eu? Un petit problème au Rotary. Parce que les réunions du Rotary, c'est par des SMS, des smartphones. Moi, je n'ai pas Internet, je n'ai pas voulu l'avoir. Ma femme l'avait à un moment donné. J'ai posé des problèmes. Je ne l'ai pas, je ne veux plus l'avoir. Je reste vieux jeu. Tant pis pour moi. Bref. Alors, les réunions, tout le monde a son... C'est normal, son appareil, elles sont indiquées. Et puis, quand il y a un petit problème, entre autres... bref, je n'ai pas de détails. Un petit problème, ça, mais ça ne va pas. On se répond, mais si, ça va. Non, mais ça ne va pas. Ça augmente. Et il y a eu, à un moment donné, au niveau de Rotary, il y a quelques mois, il y a eu des... Une mauvaise, comment est-ce que je pourrais un dire... Un dysfonctionnement. Oui. Communication. Une mauvaise communication qui a amené à un risque de conflit, oui. Et peut-être même de démission entre certains, entre des rotariens même de base et puis des rotariens plus nouveaux. Pourquoi? À cause de ce smartphone. Et je suis intervenu un soir, ça m'a tellement chagriné, que je... C'est un soir, j'ai dit à cet président, est-ce que je peux dire deux mots? Il m'a dit oui, bien sûr. Je dis simplement, il y a un gros problème qui s'est créé. À cause de quoi? À cause de vos smartphones. Alors s'il vous plaît, vous mettez votre ego sur votre derrière, sur votre cul. C'est tout. Voilà en gros ce que je dis. Parlez-vous. Il n'y a qu'une chose, quand il y a un problème qui ne va pas, on ne le résout pas avec des smartphones. Ouais. On le résout face à face. Alors voyez-vous face à face, c'est tout ce que j'ai dit. Et c'est la vérité, à mon avis. Le Rotary... C'est pour ça que le Rotary doit continuer à exister dans le futur, de ce fait-là. Le besoin du contact humain. Il y en aura moins qu'autrefois, mais il y aura un besoin qui restera. Petite parenthèse pour le club de Bellegarde. Il s'est féminisé il n'y a pas très longtemps, en fait. Hein. C'est-à-dire que le Rotary en général n'était pas féminin, comme d'ailleurs tous les clubs, ouais, comme partout, comme les entreprises. Et heureusement, il s'est féminisé. Il y a une dizaine d'années à peu près. En règle générale, en 1989. Exactement, oui, ça fait déjà vieux. C'est une décision américaine. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais c'était... suite à un procès qui a été fait, et où la justice a dit que les clubs devaient être mixtes. Et à partir de là, donc... Et puis en acceptant des femmes, ça adoucit les choses, non ? Non. Quand je dis ça, c'est quand c'est féminin, c'est dans le bon sens du terme, hein, Pierre. Jean va donner sa réponse. Non, mais on sait très bien que les femmes en général ont beaucoup d'idées également, qu'elles apportent beaucoup parce qu'elles sont travailleuses par définition, peut-être plus que nous, parce qu'elles ont le ménage, elles ont leur profession, elles ont les enfants, tout ça. Donc c'est un bien, moi c'est un bien, mais j'ai failli pratiquement, pour la petite histoire, être écarté du club parce que j'avais proposé de faire l'admission des femmes au Rotary. Et l'expression d'un ami rotarien dit, le jour où il y aura une femme, je partirai du club. Effectivement, il a démissionné le jour où il y a une femme qui est rentrée au club. Mais c'était un choix. Du moment où la majorité accepte, on se soumet. À la majorité. Voilà. Remarquez, c'était... Il est parti du club, c'était pas le plus assidu. Hein. Bref. On taira le nom. Non, on n'en parle pas. Non. Père son âme. Le père son âme. Personne n'a entendu. Personne. Non, mais c'est... comme quoi le Rotary est ouvert. Il s'est ouvert aux femmes il y a déjà longtemps. Et bien, Bellegarde était un des clubs qui était des premiers à s'être ouvert. Actuellement, on est 30 membres, 31, on a 4-5 femmes. 31 membres, oui. C'est femmes, oui. Mais il faut trouver, c'est vrai que... C'est difficile. Moins de personnel féminin qui ont des postes à responsabilité d'entreprise. On a moins de possibilités. Mais ce sont des ça peut être artisans, ça peut être des enseignants, c'est vrai qu'il y a, moins de, dans le temps il y avait des femmes chefs d'entreprise, on avait Michel Arnaud Pénicaud, on avait Lucille Ducret Eder, on avait beaucoup de femmes qui étaient chefs d'entreprise. Maintenant à Bellegarde déjà il y a moins d'entreprises, deuxièmement plus difficile à trouver des gens qui ont aussi un peu de temps à donner. Oui, c'est ça, oui, il faut pas simplement... Le plus difficile de ce côté-là, c'est sûr. On arrive au terme. On a bien discuté. On a bien... Oui. On a bien interprété la préparation de cette émission, je pense. Oui, mais très bien. Moi, j'ai été étonné, je le redis. Vous avez raconté ma vie, j'avais même pas besoin d'intervenir. Ah ben si, ça n'a rien à voir entre ce que nous... Je suis rentré dans des détails qui peut-être un petit peu trop, un petit peu lassant, j'en sais rien. Ah mais c'est ce qu'il faut, c'est ça qui fait le piquant d'une entrevue et d'un entretien. Je crois que ce qui ressort de l'entretien et d'une émission de radio, d'une radio de proximité, d'une radio locale comme ça, c'est pas tant la personne, c'est qu'est-ce qu'elle est. Et moi, où je suis, vous l'avez deviné, en admiration devant Jean Rébier, pourquoi ? Parce qu'à cet âge-là, et dans les décennies où moi j'arrive, je dis, mais comment un homme peut avoir autant de mémoire, être aussi clair, être aussi lucide dans ses exposés, tout ça ? Je dis, pourvu que ça nous arrive la même chose. Et ça, Jean, c'est un exemple. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas passer à côté d'une émission de radio avec un homme comme ça. Tout à fait d'accord, Pierre. Tout à fait d'accord. Je pense, pour répondre à ta question, j'ai été aidé beaucoup là-dessus. Le fait d'avoir, d'abord, la femme que j'ai eue, d'avoir les enfants que j'ai eus, les petits-enfants, et on a toujours été très proches, beaucoup de contacts avec eux. Je faisais du ski avec eux, ils me considéraient comme leur père, ils me considéraient comme un skieur à l'époque, tu vois. On était vraiment ensemble. Il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de hiérarchie archaïque marquée. Donc, ils m'ont permis de rester jeune, tous de ce côté-là. Les petits-enfants maintenant, Moi, j'oublie les générations, je me trompe d'ailleurs. Quand ils viennent, ils sont heureux de venir avec moi, d'aller à l'époque. Le ski, je l'ai arrêté à 89 ans. Je n'ai pas arrêté quand même un peu plus tôt. Oui, il y a quelques années, j'ai dit. Quelques années, voilà. Non. Voilà. Et, non, on a toujours eu beaucoup de contacts de ce côté-là. Et je pense que c'est toute cette ambiance, l'entreprise, les enfants, et l'activité. L'activité. Celui qui se retranche dans l'activité, il vieillit. Jean, encore un petit mot, parce que l'heure tourne. Vous avez dit, pendant la préparation de l'émission, et ça peut surprendre, vous avez dit, j'ai eu trop de chance. Oui. Et oui. C'est surprenant d'entendre quelque chose comme non, ça. Non, c'est pas un mot en l'air. Mais C'est pas surprenant du tout. Regardez, si ma femme m'écoute, enfin, je pense qu'elle m'écoute, elle va me dire, oh, t'es toujours après rabâché, toi. C'est un peu la vérité, d'ailleurs. Regardez autour de vous. Est-ce que l'immeuble où on est, il n'y a plus personne de mon âge. Ils sont tous morts. Piero Gavaggio, Rosio, il n'y a pas longtemps, il y a des veuves. Ceux qui restent, ils sont en maison. Tous plus jeunes. Il n'y en a qu'une, Mercure Tenant, qui a pas loin de 100 ans. Exceptionnel. Mais un couple à deux, où on a notre activité, notre esprit, elle conduit encore, pas très loin maintenant. Moi, bon, où je me sens le mieux, c'est au volant de ma voiture, je garde tous mes réflexes encore. Je le dis parce que c'est la vérité, je n'en tire pas une gloire, mais c'est la vérité. Est-ce que vous en trouvez comme ça? Donc, la famille que j'ai, 5 enfants, les petits-enfants, on se réunit. Et c'est le plus bel héritage que j'ai fait, c'est parce que j'aurais donné à mes enfants, petits-enfants. J'ai dit, le seul héritage que je vous laisse, c'est l'entente que vous avez entre vous. C'est extraordinaire. Et je dis que j'ai de la chance. Et avec tout ça, la conclusion, j'ai trop de chance. Yes. Mérité. Mais, allez. Non, mérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mérité. Si, j'ai pas fait pour, c'est vrai comme ça. La chance est pour beaucoup faut dans le déroulement d'une vie. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Bon. Il faut la mériter quand même, quelquefois. Bon, il faut la provoquer aussi. Il y en a qui la méritent et qui n'ont pas. Il y en a qui la méritent, mais qui n'ont pas la chance d'avoir la chance. C'est pour ça que j'ajoute trop de chance. On avait prévenu les auditeurs et les auditrices qu'on avait invité ce matin un grand bonhomme. 1m75. 1m75 93 ans bientôt. 70 kilos. Vous saurez tout. 70 kilos quand même. Ah oui, je bouge pas. Voilà. J'allais presque évoquer quelque chose parce que je vois que vous êtes de celles et ceux qui sont sensibles aux choses. Hier, j'étais pas très loin de vous, à un endroit dont Robert était aussi. Vous étiez à quelques bancs devant moi et vous écoutiez l'homélie. Ça n'a rien à voir avec votre vie, mais je crois que par rapport à votre personnalité, je crois que c'est important. Et je vous ai vu écouter attentivement tout ce qui se disait à propos d'un monsieur, René Sauge. Et vous étiez là. J'ai pas vu votre visage, mais je sais pas pourquoi, je me l'imaginais avec peut-être la buée que vous avez dans les yeux aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, c'était pour moi, on se voyait peu, mais un grand ami que j'appréciais beaucoup. De mon âge, un classard d'ailleurs, je l'appréciais beaucoup. On se voyait peu, on se parlait pas beaucoup, mais on aimait se voir quand on sera le peu qu'on se rencontrait. C'est tout. Voilà, j'étais lui rendre hommage, tout simplement. Jean Rébier, vous étiez notre invité de figure de notre région. Un grand, grand moment. Merci Pierre. Merci Guy. Ludo, à la technique, merci beaucoup. À très, très bientôt sur cette antenne. Alors moi, j'ajoute simplement... Encore un petit mot, oui. Oui. Allez-y. Excuse, je vais toujours trop vite. Je vais vous remercier de m'avoir invité. Et puis, je vais vous remercier Pierre, parce que c'est grâce à lui que j'ai... passer ce moment où j'ai bavardé avec vous, j'ai raconté des tas de choses, j'en sais rien, mais enfin, c'est un grand merci quand même. Voilà, à vous tous, et à votre travail, parce qu'il m'a expliqué comment vous travaillez. Chapeau, c'est bien. Et c'est très bien d'avoir une radio locale comme ça. Bien. J'écoutais pas assez, vous voyez. Merci. Et, ça me l'a fait découvrir un peu plus. Et une façon extraordinaire. Bravo. Et avec des bénévoles aussi. Très bien. Très important. Merci pour le compliment. Oui. Regardez, avec Garde, toutes les associations, les bénévoles. Bellegarde, c'est ta cité d'ailleurs. C'est un vivier, Bellegarde. Et merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt, Jean. Merci. Sans rien faire, sans rien. Sur les trottoirs.